sur ring. Dring dring, la cloche sonne, c'est parti. Cherche le kawas, mais trop tard, puis j'enchaîne. Gros, c'est la birette, faut que je t'élimine. Are you ready? Le sang chaud, on se tape comme des animaux. Te plains pas, pleure pas si t'as bobo. Comme Stallone, on a la rage. Vas-y, rentre dans la cage. Je fais un coup spécial, ta farge, je la ravage. Ici, pas c'est free fight, ça se tape entre potes comme dans Fight Club. Enfile tes gants, ton protège-dents. Te défie pas, appelle pas papa, maman. Bienvenue chez les grands petits, attends le beau moment. Mais sois pas trop lent, ça va être violent. Dédicace à ceux qui se cassent la gueule volontairement. Qui se mettent dessus jusqu'à l'enterrement. Qui font des boss à l'entraînement. Nous on kiffe ça, quand ça péta. Seul contre tous, on rentre dans le tas. Y'a pas d'échappatoire. Le grand combat c'est ce soir, alors on va voir ce que t'as dans le ventre. Les coups qui rentrent, on traque tes muscles. Sens-toi prêt à défoncer Hulk. Je monte sur ring, dring dring, la cloche sonne, c'est parti. Cherche le kawas, mais trop tard, puis j'enchaîne. Trois c'est ta pérec, faut que t'élimine. Are you ready? Maîtrise ta rage, ta hargne. Et fais dans une arme, combat mortel. Pas le choix, faut que tu gagnes. Maîtrise les techniques comme dans Def Jam. Comme Jean-Claude Van Damme, moi je me tape dans toutes les catégories. Même si t'as l'air d'un gorille ou tu te prends pour Mohamed Ali. Pour ça je m'entraîne dur. J'fais des pompes et j'ai des courbatures. J'tape partout et même dans les murs. Bienvenue dans mon univers. Ça rappe, ça se tape quand ça galère. Si t'es pas de taille, ramène ton grand frère. Le ring, c'est notre domaine. Pour nous c'est le paradis, pour d'autres c'est l'enfer. Chacun sa méthode. Capoeira, jujitsu, box, style, taekwondo, karaté, free fight. Free fight. Prépare-toi au free contact. T'es mort si t'as trop de tact. Vite, balance une droite avant que le percute te percute. Esquive les coups de pute, les coups de cul. J'monte sur ring, dring dring, la cloche sonne, c'est parti. Cherche le kawas, mais trop tard, puis j'enchaîne. Projet ta bérette, faut que t'élimine. Are you ready? Vitesse et force sont nos atouts. On prend des coups de partout, mais on reste debout. On encaisse tout, on te pousse, ça boue. Vas-y lâche tout, tous les coups sont permis. Attention, ça va faire mal. Prépare-toi pour le free fight. On va voir si t'es de taille. Si t'abandonnes, t'es qu'une canaille. Moi j'suis prêt pour le combat. Balayette, t'es mort si tu te relèves pas. Te mets dans un état proche du coma. Baisse pas ta garde, baisse pas les bras. Tout le monde te regarde, vas-y bats-toi. J'monte sur ring, dring dring, la cloche sonne, c'est parti. Cherche le kawas, mais trop tard, puis j'enchaîne. Projet de la pérec, dit faut que je t'élimine. Are you ready?